Chapitre 6e. Les inquiétudes de Jenny. Dudley revint de bonne heure le lendemain matin et trouva sa femme retenue dans sa chambre par un violent rhume et Ralph assis auprès du feu dans la cuisine fumant sa pipe. Le jeune homme ne s'attendait évidemment pas au retour de son intendant. « Qui vous a amené ici ? » demanda-t-il avec colère. « Mes affaires et les vôtres ?» murmura Ralph sans ôter sa pipe de sa bouche. Dudley ne répondit point, mais se dirigea vers la salle à manger dans laquelle lui et Purvis s'enfermèrent pendant près de 2 heures. Pendant le cours de cette longue entrevue, les domestiques entendirent plusieurs fois les éclats de voix de leur maître, paraissant en colère, mais pas une seule fois celle de l'intendant. Madame Carleone descendit le soir prendre sa place habituelle auprès de la cheminée, dans le salon lambrissé de bois de chêne. Elle avait raconté à son mari la conduite de Ralph à son arrivée. Elle lui avait dit en un mot qu'il lui était impossible de vivre heureuse tant que l'intendant serait à la ferme. « Ma chère Jenny, cet homme est malheureusement si utile que je ne puis me passer de lui, » dit Dudley. « Mais je vais le renvoyer dans le comté de Buckingham dans une semaine au plus tard. Pendant ce temps-là, il faut qu'il vous fasse ses excuses. » Il sonna et l'intendant parut, tortillant son chapeau entre ses deux grosses mains, obséquieux, poli et respectueux, complètement différent de ce qu'il avait été à 2h30 du matin. Il s'excusa d'une manière étudiée, avec une politesse servile, mais avec une figure boudeuse et un regard faux du fond de ses yeux gris enfoncés. Il semblait qu'on lui eût tracé d'avance ce qu'il avait à dire et presque comme si c'eût été une leçon apprise dans un livre. Mais le motif principal de son excuse était qu'il avait bu et avait la tête un peu troublée, comme il appelait cela. Madame Carleone salua avec gravité lorsqu'il eut terminé. « Alors vous réfléchirez à cela, Jenny ?» demanda son mari. « Oh, certainement » répliqua-t-elle froidement, en détournant la tête, car elle ne pouvait supporter le regard des yeux brillants de l'intendant fixé sur elle. « Si Agnès me dit que cet homme était un empoisonneur, j'aurais presque pu le croire, » pensa-t-elle, lorsque Ralph quitta la chambre. Le rhume de Jenny dura quelques jours et, sur la demande de son mari, le médecin d'Aulnay vint un matin lui rendre visite. « Une légère attaque de grippe, » dit-il, « pas davantage. Madame Carleone est un peu affaiblie. Je lui enverrai quelques médicaments fortifiants. » « Ce n'est point une maladie, n'est-ce pas ? » demanda Jenny avec inquiétude. « Une maladie ? Oh, certes non, rien de ce genre. Ni une fièvre. Non, vous n'avez pas la moindre fièvre. »« Quoi, Jenny, mais à quoi pensez-vous ? » demanda son mari. « Je songeais à la mort de votre frère Martin, et je me demandais si j'avais quelques-uns de ces symptômes. » Dudley fit un bond sur sa chaise, regarda attentivement le visage de sa femme, puis, avec un profond soupir, il dit en se rasseyant « Le ciel ne le voudrait pas, Jenny. Une mort semblable à celle du pauvre Martin est assise dans une famille. » Madame Carleone était assise devant une croisée et, levant les yeux, elle aperçut le sombre visage de l'intendant entre elle et le ciel d'hiver. Il était monté sur une échelle occupée à couper les branches d'une plante grimpante qui poussait sur le mur de la maison, et elle vit qu'il avait ouvert d'environ 2 pouces le haut de la croisée pour en retirer une branche qui s'y était introduite. « Je voudrais bien vous voir envoyer cet homme à votre autre ferme, Dudley, » reprit-elle. « Il est continuellement à rôder partout dans la maison. » Les médicaments n'arrivèrent qu'assez tard dans la soirée. Malgré tous ses efforts, Jenny ne pouvait oublier ce qu'avait dit Agnès, et elle se demanda si son mari s'offrirait pour les lui administrer. Il était assis à son bureau en train d'écrire lorsque la femme de chambre apporta les fioles, et il ne tourna même pas la tête du côté de Jenny lorsqu'elle les ôta de leur enveloppe. « Je vais prendre mes médicaments, Dudley, » dit-elle. « Très bien, Jenny, » répondit-il sans lever la tête. Elle éprouva un grand soulagement en le voyant si indifférent. Elle n'avait jamais pu penser qu'elle en arriverait à le soupçonner, mais il lui sembla qu'elle venait d'être délivrée d'un poids énorme, en cette circonstance si simple. Le lendemain et le surlendemain, elle continua à prendre ses médicaments sans que son mari y fît la moindre attention. Il était doux et prévenant, demandait des nouvelles de sa santé, mais ne disait rien touchant son traitement. Évidemment, il attachait très peu d'importance à cette légère indisposition. Le 3e jour, le médecin revint à la ferme grise. Il trouva Jenny à sa place habituelle près du feu. Dudley lisait le journal en face d'elle et Ralph était en train d'arranger la serrure de la porte. L'intendant était très adroit comme serrurier, menuisier ou peintre, et il semblait toujours avoir quelque chose à faire dans la maison. Cette fois, le médecin parut soucieux en tâtant le pouls de la malade. « Vous n'avez point pris mes médicaments, Madame Carleone ? » dit-il. « Si, en vérité, je les ai pris régulièrement, n'est-ce pas, Dudley ?»« Pour parler franchement, je ne vous ai point surveillé de très près, pour témoigner de votre sincérité, Jenny, » répondit l'époux. « Alors il y a plus d'affaiblissement que je ne pensais, Madame Carleone. Nous allons essayer cependant de vous rétablir. » Les yeux de Jenny se portèrent involontairement sur le portrait de Martin. « Y a-t-il de la fièvre ? » demanda-t-elle en regardant avec inquiétude le visage du médecin pendant qu'il lui tâtait le pouls. « Mais oui, je crois qu'il y en a un peu, » dit-il avec une certaine hésitation. Son visage devint pâle, tout à coup elle se leva de sa chaise et sembla vouloir se sauver hors de la chambre. L'intendant Ralph, à genoux, sur le seuil de la porte à demi ouverte, faisait du bruit avec la serrure qu'il réparait. Agenouillé où il était, il paraissait présenter une barrière infranchissable entre la maîtresse de la ferme grise et le monde extérieur. Dudley laissa tomber le journal en se levant avec vivacité. « Jenny, Jenny, qu'avez-vous ?»« Je veux sortir de cette maison, » répondit-elle en regardant autour d'elle d'un air égaré. « Je veux fuir. Je sais que si je reste ici, je mourrai comme il est mort. » Elle désignait le portrait de Martine accroché au mur devant elle. « Jenny !»« Oh, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, Dudley !» reprit-elle en se jetant dans les bras de son mari et pleurant convulsivement. « J'ai confiance en vous, je vous estime, je vous respecte et je vous aime. Je sais combien je suis folle. Je m'en veux pour ma folie, mais j'ai peur, j'ai peur !»